À l'occasion du 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune du 15 juin, Choi Il-min, représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, a été interviewé le 13 par le journaliste de l'Agence télégraphique centrale de Corée. Il a dit notamment « À l'occasion du 16e anniversaire de la publication de la déclaration commune du 15 juin, la population sud-coréenne regrette infiniment le général Kim Jong-il qui a jeté les assises solides de la réunification indépendante, de la paix et de la prospérité, en se rappelant avec émotion sa vie révolutionnaire avec le plus grand respect. La vie entière du président du comité de la défense nationale Kim Jong-il se fait valoir comme l'histoire de dévouement du patriote sans égal qui a assuré le fondement éternel de la réunification du pays. Ses exploits d'avoir conduit le mouvement des compatriotes pour la réunification par ses idées éminentes et sa direction peu commune resteront à jamais dans l'histoire de la nation prospère. Aujourd'hui, le respecté maréchal Kim Jong-un est à la tête du mouvement de réunification. Les avant-gardistes du Front démocratique national anti-impérialiste militeront pour mettre sur pied à tout prix la patrie puissante réunifiée prospère sur le sol de 3000 riz avec la certitude et l'optimisme en la victoire suivant sa direction.